Vendredi 30 mai 2014, vous écoutez La Vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30 pour parler 9e art. Pour parler 9e art également une dernière fois avant la pause estivale, puisque la saison 2014-2013 de CKRL 89.1 tire à sa fin. Alors, La Vie en BD prendra une pause estivale avant de revenir en force en septembre 2014 pour une nouvelle saison et pour plusieurs nouvelles émissions de regards et de commentaires et de discussions autour de la bande dessinée. Et comment la remplira-t-on, cette émission? Eh bien, de belle façon, on terminera l'année en beauté avec deux rencontres. Alors, Richard Suicide, qui sera avec nous pour parler de son ouvrage chronique du Centre-Sud, qu'il a publié du côté des éditions Pow Pow, un regard sur le quartier Centre-Sud, un regard aussi sur la misère, misère peut-être dans la culture, autant que dans la routine, autant que dans les ressources monétaires et autres. Alors, un regard plein d'empathie d'une certaine façon, mais aussi plein d'humour. Alors, qu'il offre de ce côté, sera agréable d'en parler avec lui dans quelques instants. Aussi, de passage, Guillaume Perrault qui lui offre Cumulus chez Mécanique Générale. Alors, l'histoire d'un petit garçon qui amorce un échange, un monologue, dialogué, si on peut dire, avec un nuage qu'il aperçoit, donc l'occasion pour lui d'accepter peut-être les changements qu'il voit, qu'il perçoit dans sa vie, ou peut-être donc moment pour lui de laisser aller tout ça pour passer à de nouvelles choses à travers justement ce monologue. Est-ce que c'est la bonne interprétation? Y a-t-il d'autres interprétations à en faire, à en tirer de cette chouette et belle BD? Alors on en discute avec l'auteur en deuxième partie d'émission. Il y aura également notre collaborateur Marco Duchesne qui sera avec nous, qui terminera la saison avec nous en beauté avec également quelques suggestions de lecture pour la semaine, mais aussi pour l'été. Alors voilà, donc pour le menu de cette semaine. Et sinon, dans l'actualité, BD, quelques éléments à surveiller, notamment les prix SNCF du Polar 2014 en France, pour lesquels le public a voté jusqu'au mois de mai, ont été décernés dans les catégories romans, courts-métrages et bandes dessinées. Et pour cette dernière catégorie, le prix de l'édition 2014 revient à mon ami Damer de Derf Back Derf. Alors déjà récompensé, on s'en rappelle du prix Révélation, Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Je vous rappelle que l'album raconte la jeunesse de Jeffrey Damer, tueur en série, à travers les yeux d'un de ses camarades de classe. Un récit excellent, d'ailleurs. En fait, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de lire cette BD, c'est vraiment, vraiment bien fait, intéressant, mesuré, balancé, bref, à lire. Dans la lignée, d'ailleurs, vous pourrez lire aussi l'autre livre de Derf, Punk Rock and Mobile Homes, qui a été édité en langue française tout récemment. Vous en avez parlé, je pense, il y a quelques semaines de ça. Sinon, nouvelle BD autre qui vient d'arriver, nouvelle adaptation cinéma, donc d'une BD qui est à surveiller du côté de la France, après donc Boulet Bill, Lucky Luke, Benoît Brisefer, Astérix, après Paul à Québec, Quai d'Orsay, Lulu Femme Nue, donc plein de films qui s'en viennent. Ben, nouvelle adaptation, c'est celle de la bande dessinée Paulina. Alors, le chorégraphe Angeline Prège Local a profité en fait de l'édition 2014 du Festival de Cannes pour faire la promotion de son projet dont le tournage devrait débuter cet hiver, c'est en vue d'une sortie annoncée ou espérée pour septembre 2015. Alors, un excellent album également ici de Bastien Vivez qui s'inspire librement de la vie de la danseuse Paulina Semyonova. On y suit le parcours d'une jeune fille talentueuse qui fait son entrée dans l'univers de la danse. Un récit d'apprentissage fort réussi qui explore la geste et la pédagogie de cette discipline, qui met de l'avant également la relation qu'a la Paulina du titre avec un professeur réputé qui lui sert autant de mentor que de figure paternelle. C'était d'ailleurs un de mes coups de cœur d'il y a quelques années de ça. Alors, bien content de voir qu'elle sera adaptée et bien curieux de voir comment elle sera adaptée parce que c'est là le nerf de la guerre. Sinon, dernier clin d'œil à l'actualité, Dictionnaire accueille cette année de nouveaux mots liés à la bande dessinée. Édition 2015 du Petit Robert de langue française qui est sorti avec donc de nouveaux mots. C'est le cas de super-héros et comics qui font leur apparition. Alors, comment définit-on comics? Eh bien, on dit 1940 mots anglais-américains de comic strips, bande dessinée comique. Alors, bande dessinée américaine spéciale de science-fiction, lire des comics. Alors ben voilà, et sinon super-héros, c'est un personnage fantastique doué de pouvoirs surhumains, Superman, les super-héros des comics. Alors voilà, et d'ailleurs le Petit Robert des noms propres accueille lui l'illustrateur jeunesse Pef, le scénariste britannique Alan Moore et Robin également le père de Boule et Bill. Alors voilà. Pour ces éléments. En musique pour cette semaine, on reste dans les compilations, l'image des dernières semaines. Cette fois-ci, une compile qui s'appelle Chip.ar 8 bits. Et on écoute un premier extrait de la formation Coke and Aspirin. Et voilà donc extrait de Coke and Aspirin ici à La Vie en BD. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez nous trouver sur Facebook, facebook.com/La Vie en BD. Et c'est pas parce que la saison radiophonique se termine que notre Facebook va rendre l'âme temporairement. Non, on continuera de l'animer au fil de l'été. Parce qu'évidemment, les sorties, les actualités, les activités à tendance BD, elles aussi, se poursuivent. Et parallèlement, on termine l'année, j'ai l'impression, un peu en mode rattrapage, si on peut dire, puisqu'il y a des albums qui sont sortis au fil d'avril dont on avait absolument envie de vous parler avant que l'année se termine. Et donc, on profite de cette ultime opportunité pour effectuer ces rencontres. Et c'est le cas de l'album Chronique du Centre-Sud de Richard Suicide. C'est arrivé du côté des éditions Pow Pow en avril dernier. Et l'auteur est avec nous au bout du fil. Richard Suicide, bonjour. Oui, salut. Alors, ben, peut-être, première question, on parle évidemment du quartier Centre-Sud à Montréal. Qu'est-ce qui t'a donné envie de raconter ton quartier, dans le fond? Ben, en fait, ça fait près de 25 ans que je reste dans ce quartier-là, puis je pense que je commence à le connaître pas mal, le vivre aussi. J'aime bien ce quartier-là, j'aime le côté un peu trash, là, mettons. Et puis, aussi, c'est que j'ai fait des recherches historiques sur le quartier, et puis j'ai vu que j'ai comme absolument rien trouvé, ou presque rien, fait que ça me tentait de mettre ma touch, mettons, dans l'histoire du quartier. Oui, parce que d'une certaine façon, en fait, l'histoire que tu racontes dans le contexte où, un peu comme d'autres quartiers à Montréal, d'ailleurs, je pense à Hochelaga-Maisonneuve, il y a des transformations, il y a un phénomène de gentrification, les quartiers évoluent, donc ça devient presque le témoignage d'une époque qui tranquillement est mise de côté et plus en arrière qu'en avant. Oui, ben effectivement, ben, le changement, il est peut-être moins pire dans le centre-sud que dans Hochelaga-Maisonneuve ou sur le plateau, que c'est déjà le plateau Mont-Royal, que c'est comme déjà pas mal complété. Vu que ce coin-ci, surtout le coin que je parle, centre-sud, là, l'îlot Huron, c'est près du pont Jacques-Cartier, fait que gentrification se fait moins bien vu qu'il y a tellement d'automobiles et de trafic, mais elle se fait pareil. Puis, mais c'est pas c'est un regard sur le changement, en fait. Mm-hmm. Et puis en même temps, c'est autant on parle de centre-sud, mais des quartiers comme ça, il y en a dans toutes les villes. À oui. Québec, c'était le Saint-Roch d'avant le mail, dans le fond. Il y a des situations, que ce soit à New York ou ailleurs, dans toutes les villes du monde. En fait, on a des quartiers comme ça, j'ai l'impression. Puis on a une faune, entre guillemets, qui la peuple aussi un peu à l'image de celle que tu présentes dans tes chroniques. Ouais, ben, je voulais aussi beaucoup parler du monde. En fin de compte, je voulais pas... je sais pas comment dire ça. Je voulais pas jeter un regard nostalgique ou critiquer les changements, la gentrification, etc. Mais je voulais aussi faire un portrait de ces personnes-là, de l'époque, là, que je parle de là environ 20 ans, même avant ça, de faire un portrait de ce qui étaient ces personnes-là, des changements qu'il y a eu. Dans mon histoire aussi du bison bourré, là, c'est la rue qui carrément qui est placardée parce qu'on ferme puis on rebâtit, en fait. Oui, puis d'ailleurs, en fait, à travers cette portion-là, donc la portion où tu portes un regard sur les voisins, sur les gens. Oui. Assez coloré, assez trash, assez triste aussi en même temps. C'est comme une espèce de, j'ai l'impression, un regard sur la pauvreté, sur des vies qui sont pas toujours faciles, qui sont empreintes de certains désœuvrements, défaut de meilleurs termes comme ça. Dans le fond, comment on aborde un peu le travail? Parce qu'il faut éviter trop tomber dans la caricature, trop tomber dans l'humour excessif peut-être, dans le spectaculaire aussi, dans le misérabilisme. Ouais, ben justement, quand j'ai commencé l'histoire, je me suis dit, OK, il faut vraiment surveiller un peu le ton dans lequel je parle. Je veux pas les plaindre, je veux pas en même temps, tu sais, ça aurait pu être, c'est tellement drôle du monde pauvre et pas éduqué qui crève de faim, tu sais. En fait, j'ai voulu faire un portrait, mais c'est parce que moi, effectivement, je restais en haut d'un monsieur comme ça, qui avait des problèmes d'alcool, et puis... que j'ai découvert aussi que le fait d'accumuler du stock dans sa maison, c'était une maladie aussi, puis c'était vraiment fascinant à voir, et puis en fin de compte, le personnage, à la fin, il devient un peu comme l'autre, t'sais. Il y a un phénomène d'émulation quand tu restes dans un quartier, je sais pas, en tout cas, c'est très intéressant à regarder évoluer, à regarder les gens aussi comme ça, et puis s'attacher aussi à ces personnes. Oui, dans le fond, le filtre expérience personnelle te permet de trouver justement cette ligne-là pour de trouver le bon ton, dans le fond, pour présenter ce type d'histoire-là. Oui, c'est ça. Puis le personnage qui est comme un peu moi, mais en fin de compte, c'est une réalité fiction, en fait, ce que j'ai fait, là, parce qu'il y a des trucs qui sont vrais, des trucs qui sont pas vrais, des trucs... que je me rappelle plus, le fait aussi de la disparition de ce personnage-là, du fait qu'il se fait tasser, qu'il se fait sortir de son logement, tu sais, comme tu disais, ça a dû se passer dans plein de villes à travers le monde, là, quand on fait le ménage, puis, etc., là, Paris, New York, whatever, les autres villes comme ça, il y a un ménage qui se fait éventuellement. Et justement, qu'est-ce qui t'a amené aussi à mettre de l'avant donc ce voisin-là, le bison bourré? Tu l'as placé vraiment au centre de l'exploration. Ça prend une bonne moitié du livre, un peu son mode de vie, ce qui se passe, ce que ton personnage, ton avatar dans l'histoire observe autour de tout ça. Donc, pourquoi lui avoir donné une importance aussi grande? Parce que le personnage... qui me représente, en fait, lui, il écrit un livre, fait que c'est un livre dans un livre, c'est un genre de mise en abîme, et puis d'une page à l'autre, il y a comme des fiches, comme j'appelle les fiches bison, en fin de compte, c'est comme s'il faisait comme un documentaire sur un personnage, sur un animal, ou dans ce cas-ci, il l'appelle le bison, mais c'est pas un animal, c'est vraiment un humain, là, mais il essaie d'avoir un regard encyclopédique sur le personnage. En fin de compte aussi, c'est que l'écrivain qui écrit le livre sur lui, c'est un écrivain raté aussi, là, puis il s'emperde dans ses trucs, et c'est comme une mise en abîme, en fait. Mm-hmm. Puis à travers ça, il y a d'autres segments où on est plus dans la narration, où on présente, on décrit le quartier, où on fait carrément une tournée vintage aussi du quartier à la fin du livre. Donc on passe vraiment d'un ton à l'autre dans la narration des chroniques. Oui, c'est à peu près dans le même cas, dans le même coin, en mm-hmm. fait, là. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, et puis au fur et à mesure, on démolit, et puis le quartier perd de sa saveur, mais gagne une autre saveur aussi en même mm-hmm. temps. Pas nécessairement pour qu'on garde des taudis pour empêcher la gentrification. Ce problème-là est vraiment multiple. Il est difficile à saisir, mettons, mais dans ma tournée vintage, en fait, je fais comme il y a des visites guidées comme ça qui se font avec des cassettes, tu te promènes dans un quartier, et puis on t'explique tel écrivain était dans quel coin, mais moi, si j'y vais avec des trucs plus mettons telle taverne ou telle boîte téléphonique, c'est la boîte téléphonique la plus sale au monde, tu sais, puis effectivement elle l'est, mais c'est une autre version de la visite guidée, en fait. Puis c'est tous des endroits qui n'existent plus maintenant pour la plupart. Et ce récit-là, bien souvent, la plupart du temps, en fait, c'est des albums en noir et blanc. Dans ce cas-ci, on a plutôt été vers des teintes de vert. Donc, pourquoi cette couleur-là? En fin de compte, je fantasmais sur... je voulais pas faire du noir et blanc. J'ai jamais fait de bichromie, fait qu'on a... On n'a pas inventé, mais on a découvert comment faire ça. Et puis, je voulais vraiment pas faire pleine couleur. Je voulais faire comme un vieux film aussi, comme quelque chose de justement pour le côté un peu sale de l'histoire. Je trouve que ça cadrerait bien, en fait. Et puis avec ton style de dessin en appui qui des fois au niveau en fait des lignes du dessin qui est très chargé, qui est très plein, qui est presque immersif avec un petit déséquilibre par moment, je sais pas trop, en fait qui venait servir aussi tout ça, j'imagine. Ouais, ben c'est ça, quand je dessine le monsieur dans sa cour, parce que effectivement il accumulait beaucoup de stock dans sa cour, et puis c'est pour un peu amener ça, mais en même temps aussi j'ai tout le temps eu un style vraiment chargé, puis là dans cet album là je trouve que j'ai fait le ménage pas mal, mais pourtant le monde me dit que c'est encore chargé, mais bon c'est quand même encore lisible, et puis c'est la ville, il y a des choses à voir partout, on voit jamais le ciel ou presque jamais, c'est une accumulation d'objets, de personnages et de bouteilles de bière surtout. Et est-ce que la structure chronique s'est imposée rapidement, justement, l'hybridation, bon, avec des séquences un peu plus en observation, les fiches anthropologiques, la visite à la fin, des éléments plus de narration ambiante du quartier, donc d'aller un peu avec tous ces éléments-là, puis de les rassembler, est-ce que c'était dès le départ ton plan de match, ou c'est venu un peu au fur et à mesure du travail de création? Cette approche-là dans les récits, moi, c'est comme une narration à voix off, constamment avec des panels. C'est moins... Je vais moins avec le mouvement. C'est moins cinématographique. C'est plus au niveau du... au niveau du récit, du livre et de la narration, surtout. Souvent, moi, ça fait des années que je fais du fanzine, puis j'ai tout le temps comme fonctionner avec on sortait un mini-comics d'une dizaine, une vingtaine de pages, puis la séquence était pareille, puis c'était un peu la même chose. On ne pouvait pas se permettre d'écrire une histoire développée en 20 pages et puis d'y aller avec des temps morts. Il y a tout le temps quelque chose. Et parallèlement, pour Chronique du Centre-Sud, Richard Suicide, tu t'allies, entre guillemets, à un scénariste imaginaire, William Parano. Oui. Pourquoi avoir mis de l'avant cette duplicité-là? Pour vraiment mettre... oui, c'est une bonne question. Pour vraiment mettre une différence entre les deux, parce que en fin de compte, pendant des années, j'ai fait passer William Parano pour quelqu'un d'autre, et puis... ça me servait aussi quand que j'envoyais des bandes dessinées dans des compilations, on m'envoyait deux copies. Puis, je trouvais ça quand même le fun. Puis, moment donné, c'était comme clair et évident que c'était moi-même aussi. À un moment donné, même j'en avais 3 et 4 des noms. Fait que ça semblait un peu compliqué. On va y aller pour 2 simplement. Puis on va les faire collaborer. Oui. même au départ, je voulais vraiment faire passer William Pardon pour une autre personne vraiment différente et puis dire c'est comme il est pas joignable, c'est un gars qui est en prison depuis des années. Et puis, là, ça devenait compliqué de soutenir cette menterie-là. Fait que j'ai dit OK, c'est correct. On va y aller comme ça. Et l'album Chronique du Centre-Sud aussi, en fait, il me semble que ça faisait un bout de temps qu'on ne t'avait pas vu justement en format album. Il y avait eu, je pense, un petit travail au niveau de compilation chez Glénat, des choses comme ça, mais d'album à proprement parler, ça faisait un bout de temps. J'en ai pas fait une tonne des albums. J'en ai fait un chez Conundrum Press, une version anglaise, mais c'est quand même une compilation de mon travail au fil des années. Il y a 15 ans de travail, des trucs que j'ai pigé dans une quinzaine d'années et que j'ai traduit en anglais. Non, j'ai pas vraiment fait d'album. Moi, c'était plus dans le fanzine, des collaborations, dans des compilations, etc. Je me suis jamais vraiment attaqué à un album. C'est-à-dire qu'à une certaine époque, il n'y avait pas tellement de possibilités, beaucoup moins que maintenant, de faire des albums. C'était pratiquement impossible. Maintenant, on dirait qu'on vit l'âge d'or des albums puis des maisons d'édition au Québec, puis c'est merveilleux de ce côté-là. Ça valait la peine de sortir quelque chose aussi. Puis envie de te relancer un peu dans un format comme ça, plus rapidement, pour un prochain ou... Ça ressemble pas mal à ça. Le prochain, je suis en train de travailler en parlant de quartier, je parle d'une gang d'enfants qui vivaient sur le plateau Mont-Royal, mais dans la fin des années 60. Je fais comme un genre de... Je reviens dans le temps, j'explique le plateau Mont-Royal comme il était dans les années 60, c'est-à-dire un quartier ouvrier... plein d'enfants partout, puis je suis en train de travailler là-dessus. C'est un peu, à peu près, le même format, mais ça va être un petit peu moins, comment on pourrait dire, hardcore que Chronique du Centre-Sud, parce que ça va être des histoires d'enfants, en fait. Et donc, en route vers tout ça, eh bien, évidemment, il y a Chronique du Centre-Sud qui est disponible aux éditions Pau-Pau. Richard Suicide, merci beaucoup. Ben, c'est moi qui te remercie. Puis au plaisir. Au revoir. Alors voilà, c'était Richard Suicide, donc auteur et dessinateur, je le rappelle, des chroniques du Centre-Sud. C'est disponible du côté des éditions Pau Pau. Petit commentaire d'album alors qu'on entend la fin donc d'un autre extrait de la compilation Chip.ar, la formation Munchkor. Et petit commentaire donc sur un album qui s'appelle L'App, roman d'apprentissage aux impressions nouvelles. C'est d'Aurélia Horita qui avait donné Fraises et chocolat dans le passé d'ailleurs. Et dans cet album, elle se lance donc dans une aventure assez particulière. C'est celle d'aller au fil d'une année au lycée autogéré de Paris, donc le LAP. Et au bout du compte, ben ça devient un peu une histoire d'amour entre l'auteur et le lieu qu'elle observe et le lieu qu'elle suit. un lieu assez particulier, donc on parle d'un lycée autogéré. Donc vous aurez compris que c'est un peu dans la mouvance donc de l'autogestion, évidemment. Donc ce sont les étudiants et les professeurs qui gèrent collectivement le lycée. Qui forment donc des associations, des assemblées générales pour voter différents éléments. Donc, les cours sont gérés un peu de cette façon-là aussi. Il n'y a pas nécessairement une présence obligatoire. Par contre, il y a des assistances obligatoires, donc des crédits d'aide, etc. Donc, un fonctionnement assez particulier de manière générale. Et ça donne un établissement qui est lui aussi assez particulier et qui, d'une manière ou d'une autre, va venir donc marquer les gens qui vivent cette expérience-là. D'un point de vue expérience de vie d'abord, ensuite peut-être aussi d'un point de vue éducatif. Et donc c'est essentiellement ce portrait-là qu'elle tisse au fil des pages qui forment l'album, et vraiment une relation qui change aussi au fur et à mesure que le récit se construit entre l'auteur et l'endroit. Je le disais, elle tombe presque donc amoureuse de cet endroit-là, elle devient elle aussi entre guillemets une lapienne, comme elle le dit, et donc de commençant en mission d'observation, d'analyse, elle va se lier aux gens, elle va se lier à endroit, et elle va devoir elle-même vivre le deuil de la fin de ce parcours-là, à l'image de la façon dont les gens qui fréquentent le LAP vivent aussi ce deuil. Donc, un documentaire, une docu-BD dans le fond, fort intéressante de ce côté-là, qui mérite d'être lu, d'être feuilleté, si ce n'est pour justement prendre conscience et découvrir ce phénomène-là, ce type d'établissement-là très particulier. Alors, donc voilà, et une bonne BD documentaire là, de manière général. Ça s'appelle LAP, un roman d'apprentissage, chez Dorelia Orita, chez Les Impressions Nouvelles. Et autre album que je voulais mentionner, c'est Choc, tome 1, Les Fantômes de Nightgrave, de donc Mallette et Coleman. Alors, essentiellement, bon, les lecteurs de Tiff et Tondu connaissent déjà ce personnage, donc ce type un peu sinistre, avec un home en lieu et place de tête, donc qui, dans Tiff et Tondu, est le chef de la Main Blanche, une organisation mafieuse. On n'a jamais vu son visage au fil des albums. Et 14 ans après le décès de Will, qui a dessiné pendant près de 40 ans, Tiff et Tondu, c'est son propre fils, Eric Maltet, qui offre le dessin d'une explication en deux parties. Donc, Les Fantômes dans Nightgrave, c'est la première section. Et l'idée, c'est d'essayer de faire la psychologie de ce super vilain, d'essayer de comprendre d'où il vient, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'il est devenu, justement, aussi méchant, qu'est-ce qui anime, qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qui le pousse, justement, à autant de malveillance. Et on va tomber donc dans l'univers de son enfance, on va tomber dans ses origines, on va découvrir donc les injustices qui ont été commises envers lui, envers sa mère, envers son père, que la société a commises envers lui également. On va voir un peu d'où vient peut-être ce désir de vengeance, et on nous place cet album un peu à la manière d'un casse-tête, donc où on nous montre différents éléments qui sont passés donc il y a moult années, en format flashback, alors que Choc revisite donc les lieux de son enfance, et alors qu'il met en place sa vengeance auprès justement de ceux qui l'ont brimé, lui étant enfant alors. Et on ne découvrira pas non plus son visage pour le moment, peut-être dans la deuxième partie, mais donc un récit qui, de manière générale, fonctionne bien, qui par contre tombe aussi un peu dans le misérabilisme. On n'y va pas pour des motivations qui sont peut-être surprenantes, on y va vers des trucs quand même qui sont d'une tristesse absolue, infinie, un parcours de martyr complet et total, on peut avoir l'impression que c'est peut-être un peu la voie facile dans ce type de création-là, donc un peu stéréotypé de ce côté-là. Reste que dans le contexte de ce qu'on propose dans Tiff et Tondu, donc dans la mesure où il y a déjà quelque chose d'assez écrit, défini autour de ce personnage-là, ça laisse peut-être aussi une marge de manœuvre plus limitée. Donc pour ceux qui aiment déjà le personnage, vont apprécier peut-être de plonger dans cet univers-là. Pour ceux qui le connaissent un peu moins, vont voir là l'histoire d'origine d'un vilain, une histoire un peu stéréotypé comme je le disais, mais qui quand même fonctionne avec un dessin qui est très correct dans le contexte, efficace, là, rien à redire de ce côté-là. Alors pas une recommandation à tout vent, mais pour les amateurs de la série, ça peut être intéressant, et pour des gens qui ont envie de se mettre sous les dents peut-être justement une histoire de ce type-là, peut-être l'emprunter en bibliothèque. Alors voilà, donc pour ces clins d'œil, on prend une courte pause ici à La Vie en BD. Du 12 au 15 juin, Desjardins présente en collaboration avec Hydro-Québec la 31e édition du Festival de la chanson de Tadoussac. Un festival qui vous offre la possibilité d'allier économie et écologie.

Ben c'est ça exactement. Ce que je trouve intéressant, c'est que j'imaginais un petit Cumulus parle beaucoup de la solitude, un peu la mise à l'écart, la solitude, ce genre de trucs là. Donc je me disais, c'est une excellente représentation de la solitude qu'un petit garçon qui devient ou qui veut devenir ami avec un nuage. Il y a une distance qui se crée entre les deux. Puis je me suis justement dit, je voulais pas tourner ça vers un conte fantastique. Je voulais qu'on reste dans le terre à terre. Donc en fait, tout le long, c'est un monologue. Il n'y a aucun dialogue. Le nuage parle pas parce que c'est un nuage. Il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de dialogue avec le nuage. Je voulais que ça reste une histoire pure et simple, puis on va juste puiser dans l'espèce de l'imagination, ou qu'est-ce qui pourrait se passer avec le petit garçon, dans le fond. Oui, puis l'imagination du lecteur aussi, dans la mesure où je ne sais pas, en fait, de quelle façon les gens vont ressentir quand ils vont lire, mais mon côté, je me sens un peu comme le nuage observateur. En fait, on entend les confidences de ce petit garçon-là qui sont lancées avec candeur, avec sincérité, puis on peut rien y répondre, on fait juste, dans le fond, l'écouter, puis éventuellement, c'est fini. Ouais, mais exactement, c'est intéressant comment tu le vois, en fait, c'est un peu... C'est vrai que c'est ça, le lecteur est un peu simplement spectateur, il fait juste assister à... dans le fond, c'est un petit garçon qui étale sa vie. Il étale sa vie devant le nuage, mais en fait, il dévalue. Il l'étale pas devant personne, le nuage lui répond pas, ou le comprend pas, ou le conseille pas. C'est simplement étaler ses problèmes, ses inquiétudes, ses soucis. Il raconte simplement sa vie à lui-même, en fait, peut-être. Et j'ai l'impression, les choix que tu as fait au niveau du texte, notamment, que l'enfant, on se replace aussi dans un contexte, donc quand on avait, j'imagine, quoi, 12, 13 ans, 10 ans, on n'a pas toujours les mots pour dire ce qu'on ressent, et dans la manière dont tu lui fais raconter ça, raconter le monde, on sent justement qu'il ne trouve pas toujours les bons mots, qu'il ne sait pas toujours quoi dire vraiment exactement. Exactement, c'est ça. Le flash m'est venu d'un petit garçon à la base, puis je voulais pas intégrer un adulte là-dedans. Je voulais pas qu'on commence à tomber dans un dialecte ou dans un choix de mots qui est très complexe, dans le fond. Fait que je me suis dit, c'est un petit garçon qui devrait parler comme un petit garçon. Puis on s'entend que, comme tu dis, on a 10, 12, 13 ans, et on n'est pas capable d'exprimer nos sentiments avec justesse. On a un peu de la misère à mettre le doigt sur ce qui nous tracasse. On dit les généralités, puis on espère que le monde comprenne. Et c'est pas évident, parce que le réflexe qu'on a des fois en tant qu'adulte, c'est de raconter, de mettre des mots d'adulte chez l'enfant, dans la bouche d'un enfant, en dessin, en film, et le reste. C'est ce que je trouvais un peu dommage, c'est sans pointer aucune BD ou livre ou peu importe. Des fois, je trouve qu'on lit un texte pour qu'il y a un personnage enfantin à l'intérieur, puis un vocabulaire beaucoup trop élevé ou... Je sais pas, des fois, je sens pas très crédible. Fait que je me suis dit, c'est un petit garçon, je veux que ça reste un petit garçon, j'ai pas envie d'y mettre des mots qu'il connaîtrait pas. Aussi simple que ça. Et à travers ça, évidemment, on le sent tiraillé. C'est un peu un livre d'apprentissage, un livre initiatique qui est tiraillé entre son père et sa mère, entre sa vie d'avant et une nouvelle réalité, entre l'enfance et l'adolescence aussi. Oui, un peu, c'est ça, parce qu'au début du livre, on le voit botter un de ses jouets, fait qu'en même temps, on se pose la question, quel âge il y a exactement? Puis l'âge est pas très déterminé non plus. Fait qu'on dit justement peut-être à l'âge charnière de laisser les jouets, commencer un peu la préadolescence, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe. On voit une séparation, une nouvelle école. Donc c'est le genre de truc quand on est jeune qu'on peut être face à ce genre de défi-là, en fait. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que tout ce qu'il vit, on peut se le référer en tant qu'adulte aussi. Ce que j'aime bien, c'est que ça a beau mettre un petit personnage enfantin en jeu. C'est pas un livre qui est destiné uniquement pour les gens d'un jeune lecteur, dans le fond. Oui, puis en même temps, ça dépend aussi, j'ai l'impression, je te fais un peu mes commentaires là-dessus, mais la façon dont ton livre est construit, j'ai l'impression qu'on peut vraiment le prendre de deux façons, je dirais pas radicalement différentes, mais exemple sur la fin, on peut voir ça comme une histoire triste, dans le fond, d'une nouvelle séparation, finalement, ça règle pas le problème, il s'est raconté, puis il vit un autre drame, ou inversement, que ça devient un apprentissage du lâcher prise, puis que ça lui permet de passer à autre chose. Ben c'est exactement, c'est pour ça que je voulais couper le livre. Ben là, on va pas... Ça sent détailler trop la fin, là. Mais... ouais, c'est ça. On va pas trop en révéler. Mais dans le fond, je voulais couper la fin de cette manière-là. Je voulais pas y aller plus loin. Je voulais laisser vague pour que chaque personne, justement, il y a du monde qui l'ont lu, qui ont dit « la fin est vraiment touchante ». Il y en a d'autres qui ont dit « j'ai pleuré ». Il y en a d'autres qui ont dit « j'ai ri, j'ai trouvé ça intéressant » ou « ça m'a fait comprendre quelque chose ». Puis c'est exactement ce que je voulais. Je voulais que chaque personne ait son interprétation différente. Comme tu l'as dit, on peut le voir comme une grande tristesse, une séparation ou un apprentissage, puis peut-être que le petit garçon va aller mieux suite à ça. On n'a aucune idée, dans le fond. Et dans ton travail sur le texte, on le disait, donc, recherche donc de pouvoir mettre dans les termes, les mots d'enfant réel. Côté dessin, est-ce qu'on avait une recherche de simplicité, d'efficacité? Ben exactement. Le trait de crayon est venu vraiment naturellement parce que je me suis dit Cumulus, c'est une histoire simple. Je pourrais te résumer l'histoire en 2-3 lignes. Mm-hmm. C'est une histoire simple, c'est un scénario simple. La morale, bien qu'on peut aller creuser quand même profondément, est relativement simple aussi. Fait que je me suis dit que j'aimerais que le trait de crayon reste simple aussi. J'ai pas envie d'avoir un univers hyper chargé, détaillé, coloré pour une histoire si légère que ça. Donc, je me suis dit que le nuage avec un petit trait bleu, le petit garçon qui a à peu près 3 touches de couleur sur lui, on voit un peu de décor, mais sans non plus en mettre trop. C'est exactement là où je allais avec Cumulus. Puis le fait qui est intéressant aussi, c'est que j'ai travaillé le stylo directement. J'ai fait aucun crayonné auparavant. C'est simplement garoché. Si j'aimais pas le personnage, je le recommençais. Mais c'était pas le genre de personnage que j'ai étudié à fond pour avoir les proportions et tout. Je voulais juste... si on peut dire, de garrocher. Là. J'ai un peu garroché le livre. C'est comme ça que je voulais que ça sorte, dans le fond. OK, qu'il y ait une spontanéité. Je voulais pas que ça soit un travail léché. Oui, c'est spontané. Je voulais pas que ça soit trop travaillé pour un film. Et ça, c'est un livre aussi, si on fait la petite histoire de l'ouvrage. C'était d'abord une autopublication et ensuite, oui, ça a été récupéré par Mécanique Générale. Comment s'est fait un peu la transition? Est-ce que il y a des éléments qui ont été retouchés, modifiés ou on a simplement repris l'édition, l'auto-édition, puis on l'a mis dans le nouveau format Mécanique Générale? Ça a été retouché un peu. Heureusement, le format puis la taille était vraiment identique. Donc, de ce côté-là, ça a quand même bien été. On n'a pas vraiment changé de... Je suis pas obligé de ragrandir ou rapetir les images. Côté montage et scénario, on a réussi à rajouter quelques petites scènes qui me plaisent beaucoup. Sinon, le texte a légèrement changé pour ajuster certaines erreurs que j'avais ou ce genre de truc-là. Mais initialement, l'histoire restait la même. On a simplement réussi à rajouter quelques pages pour le rendre un peu plus volumineux. Mm-hmm. Notamment la scène où il présente... qu'est-ce qu'il présente déjà? J'ai oublié mon texte. Il présente son quartier, entre autres. Oui, c'est ça, le quartier, exactement. La scène du quartier, j'ai rajouté une ou deux scènes à l'intérieur de ça. Puis aussi le voyage, il y a un moment où il voyage avec le nuage. Mm-hmm. Il y a un double page de plus aussi. Et à travers ça, à travers un exercice comme celui-là, on m'a déjà dit que c'était parfois plus difficile de faire simple que de faire compliqué. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti dans ton travail sur Cumulus? Non, c'est un bon argument, toi, parce que c'est vrai que le faire simple, c'est pas toujours évident. Je vais dire que oui, des fois, ça devenait difficile parce que j'arrivais sur une page, puis j'avais une petite narration du personnage avec le dessin. Là, je me disais, est-ce que le dessin est assez compréhensible? Est-ce que le texte est nécessaire? Là, j'ai coupé beaucoup. Je coupais, est-ce que cette phrase-là est nécessaire? Est-ce que ce paragraphe-là est nécessaire? Est-ce qu'on comprend bien le sentiment qu'il y a? Parce que, justement, son visage, ses positions sont très, très simples. Je me suis dit, est-ce que le simple sourire qu'en ce moment, on est capable de le ressentir? Fait que oui, j'avoue que c'était assez... c'est un travail assez minutieux. Mais je te dirais que je suis pas nécessairement le genre d'illustrateur qui est très porté vers l'exagération au détail. Donc, naturellement, la simplicité, ça me va bien. Puis ça vient se placer un peu dans la continuité de ton travail d'illustration jeunesse, notamment, sur lesquels on t'avait surtout vu avant Cumulus, justement. Exactement. Habituellement, je travaille avec la courte échelle, l'Isatis, la bagnole, ce genre de maison d'édition-là pour différents auteurs en tant qu'illustrateur. Donc, c'est un peu... j'étais à l'aise dans le thème de Cumulus. Oui, à la limite, en fait, c'était l'ajout du côté scénariste qui venait changer un peu la donne dans Cumulus. Oui, ben c'est ça, exactement. C'était mon premier titre, vraiment, en tant qu'auteur. Donc, le côté scénario, j'ai trouvé ça le fun. C'était du travail, par exemple. Je l'avoue. Et on découvre la résultante. Donc, je le rappelle, chez Mécanique Générale, ça s'appelle Cumulus. Guillaume Perrault, merci. Ben merci beaucoup pour votre temps. Puis on te laisse retourner en dédicace. Excellent. Salut bien. Ben merci donc. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, je le rappelle, c'était Guillaume Perrault, donc auteur de Cumulus, et c'est un ouvrage qu'on retrouve d'ailleurs chez Libraire depuis avril, du côté de la maison d'édition Mécanique Générale. Et voilà, dernier extrait, toujours de la compilation de Chip.ar, Delek avec Just One Day. Et pour notre dernière ligne droite de la saison 2013-2014, on est en compagnie de notre collaborateur également, libraire spécialisé en bande dessinée chez Pantoute, Marco Duchesne, bonjour. Hey, salut. Ça va? Oui, toi? Oui. Ouais. Alors, des belles lectures, en fait, des dernières semaines, et j'ai l'impression que ça amorce bien, en fait, dans ce que j'ai lu, j'imagine, dans ce que tu as lu, l'été BD qui s'en vient aussi. Écoute, l'été s'annonce de tous les genres, et avec de grandes qualités. Entre autres, pour te dire, j'aurais aimé t'en parler, mais je l'ai lu que hier. Et peut-être qu'un jour, je t'en reparlerai. Mais cet été, si vous n'avez qu'un album à lire, lisez Les Vieux Fourneaux de Lupo et Cao. Oui, qui a gagné le prix Cao. Libraire, d'ailleurs, ouais, chez Dargaud. Vous allez rire. Vous allez vous attacher à ces trois petits vieux qui partent en cavale. Écoute, je t'en reparlerai un jour. Mais un album à lire, à rire, c'est ça. Et sinon, dans les albums, à signaler aussi, je ne sais pas pourquoi, mais Moby Dick a beaucoup stimulé cette saison. Dans les dernières rentrées, et que j'avais envie de te parler et de me confier à toi, tu sais que quand je viens, je me confie, je m'ouvre à toi. Et je m'étais déjà ouvert à toi, te parlant de mon amour profond pour ce roman de Herman Melville, qui est Moby Dick. Alors, chaque fois que sort un album ou que sort un hommage à, peu importe, une adaptation, tu sais que je suis très sensible à ça. Alors, était paru il y a quelque temps chez Vent d'Ouest par Le Grand Chabouté, une adaptation qui nous montrait plus le côté atmosphère, le côté sensible de ce roman par Chabouté. Et Dieu sait qu'il est capable de nous le montrer en noir et blanc. Ce que vient de paraître, c'est aux éditions Soleil, dans la collection Noctambule, une collection Nocturne, qui est une collection qui donne lieu à des depuis quelque temps à des adaptations de romans. On a eu Au cœur des ténèbres récemment comment ça s'appelle Au cœur des ténèbres j'ai oublié le nom aussi. Moi aussi. Et mais chaque auditeur se rappelle lui, chez lui. Et il y avait eu cette adaptation. Donc, Moby Dick par Jouvray et Alary. Une adaptation qui, elle, mise plus sur l'action. D'ailleurs, ce Moby Dick de Jouvray et Alary commence avec Ismaël flottant dans son cercueil après tous les événements. En fait, il commence comme commence le film, l'adaptation de John Huston avec Gregory Peck. Okay. Ismaël est dans son cercueil et va nous raconter, plutôt que de commencer dès le début où Ismaël arrive à Nantucket. Ça donne une ambiance plus particulière au niveau flashback, j'imagine, voilà. L'intervention d'Ismaël, réflexion, etc. Et là, Jouvray et Alary visent l'action, visent les moments où l'histoire, le squelette vise. Mais ça fonctionne très bien. Ça va droit au cœur, droit au sujet. On y voit un Akab aussi obsessif, aussi obsessionnel, aussi dangereux, aussi charismatique, car Akab, d'après moi, est un héros plus qu'un vilain, car il a toutes les étapes du fameux héros, le trauma, la motivation, le dépassement des limites et le grand sacrifice. Mais là, lui, il sacrifie tout l'équipage. Mais je crois que et cette adaptation-là de Jouvray et Alary fait tout à fait le travail d'une bonne histoire. À la limite, à lire en à côté, on lit celle de Rabaté, on lit celle-là ou les deux. Les deux valent la peine. Oui, ah oui. Si Chabouté vise l'atmosphère que règne Alary, en fait, tu vois, on ne voit que très peu Moby Dick dans l'adaptation de Jouvray et Alary aux éditions Soleil. On la voit très peu, on la voit à la toute fin. Mm-hmm. Alors, pour te dire, on arrive à la fin et à la fin, c'est le combat final et tout. Bref, de l'action, vraiment l'essentiel de Moby Dick chez Soleil. Et Vision de Bacchus. Écoute, là, c'est vraiment là un petit coup de cœur. C'est arrivé ça aussi chez Delcourt. D'un certain Jean Dittard, D-Y-T-A-R. Très stylé. Un dessin granuleux. Un dessin avec des pigments, car on y parle de peintre, de peinture. La vision de Bacchus raconte l'histoire de peintre et de la peinture qui se faisait en Italie en 1500 quelque chose. On y parle d'un peintre qui s'appelle Giovanni, qui lui a une obsession. Il est atteint. Ça commence avec Giovanni qui est atteint de la peste, va mourir. Mais il est pressé par le temps, par l'urgence, de répliquer de faire un tableau qu'il l'a marqué, qu'il a vu et qu'il veut répliquer, qu'il veut faire et le rendre. C'est une beauté, c'est un tableau qui marque. Il veut le répliquer parce que le tableau aurait disparu. Il veut le faire avant de mourir. Et tout en flashback, on a l'origine du tableau qui aurait été faite par un certain Antonello de Messine. Messine est une place en Italie, proche de Florence. Alors, Antonello de Messine, on voit toute son histoire, comment il faisait pour peindre et jusqu'au moment où arrive cette fameuse demande-là, commande de ce tableau-là qui va donner cette vision de Bacchus. En fait, c'est de peindre la femme d'un certain noble, un noble qui a de l'air assez dangereux. Alors, Antonello de Messine n'a pas le choix de peindre cette femme-là. Il va la peindre, il va la rendre d'une telle beauté. Alors, ce fameux tableau-là. Mais il y a plein de punch et de retournements dans l'histoire. Les va-et-vient entre une histoire et l'autre, ça permet de bien rythmer. Giovanni a un lien avec Antonello de Messine et cette femme-là a un lien avec Antonello. Bref, on apprend beaucoup. On se divertit beaucoup avec cet album-là et on y voit une vision de la peinture. En fait, on apprend beaucoup de choses sur la peinture de cette époque-là, comment elle se faisait, parce que on visite des ateliers. Vraiment, là, c'est mon petit coup de cœur. Ça s'appelle La vision de Bacchus. C'est chez Delcourt. C'est de Jean Dittard à découvrir. C'est vraiment très beau, le dessin. Le graphisme est très granuleux. Comme je te dis, là, on sent les pigments des couleurs très ocre. Peut-être à découvrir en parallèle la série Pablo, notamment, si on veut voir d'autres regards sur la peinture. Oui, tout à fait. Il y a eu un... On dirait les arts visuels comme inspirent pas mal la BD, du moins semblent inspirer ces temps-ci la BD. Ces temps-ci, effectivement, avec la série Picasso, mais il y a eu plein d'albums qui mettaient en scène des peintres ou la peinture ou cette forme d'art. Oui, alors quand le visuel parle du visuel, justement. Sinon, il nous reste encore quelques minutes. Alors, Pour mes suggestions cet été, à part le vieux fourneau, qui était vraiment une surprise et que j'avais envie de parler, je te dirais, Fluide Glacial fait paraître deux albums qui sont en fait des espèces de intégrale de compilation de deux auteurs que j'adore beaucoup et qui me font beaucoup rire. Le premier, ce serait Bouzard. Guillaume Bouzard est un auteur que j'aime beaucoup. Il m'avait fait rire et pour moi m'avait donné un petit chef-d'œuvre qui s'appelle Autobiographie of the Mitrol chez Dargaud en deux tomes. J'avais tellement ri avec cette fausse biographie de lui et dont le père était un troll. Alors, chez Fluide Glacial, il a fait des petites histoires où il se met en scène comme dessinateur, comme auteur de BD, et il nous raconte son quotidien un petit peu fantasmé, mais très drôle. Ça s'appelle « Moi, BD », et c'est chez Fluide Glacial. Alors, toutes ces petites histoires... Un côté décalé. C'est très drôle. Et on voit... Tu sais, il nous raconte un peu cette vie de dessinateur de BD, mais il est tellement glandeur, il est tellement paresseux, il se trouve tellement des prétextes, et c'est tellement drôle. Il n'est sûrement pas comme ça, mais il nous raconte tellement cette vision un peu fantasmée de lui-même. L'auteur un peu loser, un peu adolescent, qui a vieilli trop vite, etc. Vous allez adorer. Le deuxième, c'est, on vient de faire paraître en intégrale, parce que ça a déjà existé en deux albums, c'est de Cyril Pedrosa, que j'adore aussi, qui peut être tellement, tellement sérieux. Mais là, avec ces deux albums qu'il avait fait, ces petites histoires courtes, rigolotes, qui s'appellent Auto-Bio. Alors, il nous montre un Cyril Pedrosa qui, lui, est écolo. Il se veut tellement écolo. Écoute, Raymond, il veut être écolo. Il l'est, mais... il se prend pas au sérieux. Il y a une espèce de dérision là-dedans. On rigole avec lui. Une satire de ce monde écolo-auto-bio, de biologique, que ça se veut tellement... Tu sais, on voudrait être biologique, mais maudit que ça coûte cher, maudit que c'est chiant à faire, puis maudit, tu sais... Alors, ça, c'est loin de Portugal. Là, ah, ouais, oh, tout à fait. Alors, avec sa famille, ça nous raconte la bonne volonté qu'a Pedroza d'être bio. Entre autres, celle du débouche... son évier est bouché là, et il voudrait défaire le tuyau pour vider l'évier, mais et il arrive dans son atelier, il trouve pas les bons outils et il trouve du débouchant chimique. Et là, pendant quelques cases, il se dit ça serait tellement facile. Mais non. Il va chez le quincaillerie, trouve la bonne outil, revient, débouche. C'est dégueulasse. Son tuyau est débouché, il est content, mais tu sais, il y a un prix à payer. Alors pour rigoler. C'est Autobio chez Fuite Glaciale de Cyril Pedroza. Marco Duchesne, merci beaucoup. Ah, ça me fait plaisir. Et bon été. Oui, bon été à toi. Et en septembre prochain, donc je vous le rappelle, on prend une pause pour l'été. Alors, avec la fin de la saison 2013-2014 de CKRL, on sera de retour en septembre prochain. D'ici là, je continue à animer mon blog voir.ca/Raymond-Poirier. Alors, je m'appelle Raymond Poirier. C'était un plaisir d'être avec vous au fil de la saison. Merci beaucoup à nos collaborateurs également qui étaient présents au fil de la saison. Et surtout, merci à vous d'avoir été là. Passez un bon été sur les ondes du 89.1 CKRL et au plaisir de vous revoir cet automne.